porte mon ami mes amours dans le ciel sans m'attendre et de son retournant l'ange qui l'emmena ne voulut pas me prendre que mon sort est amer sans amour. Créature est couchée au cercueil, comme dans la nature tout me paraît en deuil. La colombe oubliée pleure et songe à l'absent. Mon âme pleure et songe. Sous-titrage Société Radio-Canada.